C'est plus possible. Et ça s'accentue maintenant avec la manière de garder le troupeau, c'est-à-dire qu'on fait des parcs, et on le fait sur des prairies artificielles ou sur des prairies naturelles. Mais on néglige le bois, parce qu'effectivement, aller se placer là, dans un endroit où quelques mètres, ils ne pourront pas aller au-delà. Bon, donc, c'est au contraire, on peut considérer que... on rétrograde par rapport à l'entretien de la forêt. Hein? Jusque-là, on avait cette possibilité, mais depuis à peu près maintenant, on peut considérer qu'il y a 8 ou 10 ans qu'il est sorti les fameux filets. Évidemment, pour eux, ça leur fait gagner du temps, c'est une autre manière, mais ben, on ne peut plus appeler ça les bergers, quoi. Puisqu'ils plantent, ils font perdre leur troupeau dans un endroit déterminé, ils les parquent. Non, ici, en ce qui concerne effectivement la commune ou les habitants de la commune, on a peu de bois, c'est vrai, il faut... Et on en est là, quoi, je veux dire, c'est pas... cette maison forestière, moi, j'approuve à 100%, mais en réalité, je vois pas comment on pourra modifier quoi que ce soit dans le sens d'une certaine rentabilité, ne serait-ce que la rentabilité qui consiste à un meilleur entretien. Ça ne va pas être facile. Hein.